Chapitre 23e. Fâcheuse rencontre. Les deux amis s'entretenaient à table de la découverte de la matinée et envisageaient les moyens légaux dont ils pouvaient disposer pour déjouer les menées de maître Tapabord. Bernard apporta soudain une lettre que venait de lui remettre le facteur et dont il considérait avec intérêt le timbre étranger. Elle était pour O'Meara, qui, après un coup d'œil inquiet à la souscription, s'empressa de la décacheter, doigt tremblant, avec un trouble assez rare chez un homme qui s'appliquait à ne point laisser transparaître ses émotions. Cependant, il se domina et confia. « Je serai obligé, Delbon, de repartir plus tôt que je ne le pensais après-demain, sans doute. Je suis heureux que nous ayons pu avant solutionner la question qui te préoccupait. Je m'en irai plus tranquille. » Il ne s'engagea pas à fond dans les confidences. Ce n'était pas dans son caractère réservé de parler inutilement. À peine eut-il pris son café qu'il se leva et déclara. « De la correspondance urgente, tu permets ?» Il était grave et triste. Et il entra dans le studio où se trouvait tout ce qu'il fallait pour écrire. Du moment où O'Meara avait pris connaissance de la missive, l'entretien était en quelque sorte tombé, faute d'être alimenté par un des partenaires, et Delbon n'avait pas réussi à le ranimer. Visiblement, O'Meara en était à ce point de tension ou tellement absorbé par nos propres soucis, nous ne parvenons point, malgré notre bonne volonté, à nous intéresser à ceux des autres. Préoccupation d'ordre politique, apprécia Delbon, et n'ayant rien de mieux à faire, il songea à rendre une visite complémentaire aux réduits du souterrain. Dans leur joie d'avoir mis la main sur des documents et dans leur précipitation les dépouiller, les amis n'avaient-ils pas oublié, par exemple, de vérifier si les tiroirs de la table en bois blanc étaient vidés? Qui sait s'ils ne contenaient pas de nouvelles indications? Il s'enfonça dans les souterrains, dont les ténèbres lui parurent moins compactes parce qu'une grande joie intérieure l'inondait et rayonnait sur ce qui l'entourait. Ainsi, il avait démasqué une odieuse combinaison et se trouvait en possession d'armes suffisantes pour la punir. Ainsi, il examinerait en toute liberté de jugement si le souci de se choisir une compagne à sa convenance ne méritait pas de l'emporter sur celui de s'assurer à jamais un héritage. Le choix d'ailleurs n'était-il pas fait en réalité dans son esprit et dans son cœur? Quel ravissant époux serait cette Simone, dont les cheveux dorés étaient une lumière et les yeux bleus un coin de ciel? Il ne s'en irait plus, certes, au-delà des océans, chercher une fortune qui l'attendrait à son foyer. Il trouverait bien à se caser quelque part, dans une usine de la vieille France. On ne serait pas riche, riche, mais est-il un trésor plus sûr que celui d'une réelle affection? Décidément, la lubie du grand-père aurait eu des conséquences inespérées. N'aurait-elle pas permis à Delbon de s'unir à l'épouse rêvée? Ainsi monologuait-il avec soi-même, certain au moins de ne pas se heurter à un contradicteur, quand il éprouva une des plus cruelles déceptions qui ait jamais assailli un cœur d'homme. Il venait de faire fonctionner la plaque tournante du souterrain quand il aperçut, dans le noir et rayonnant de la cachette, une insolite lueur. Il n'avait point d'armes sur lui. Il se demanda s'il ne serait pas préférable de revenir sur ses pas et de réclamer l'assistance de O'Meara. Ne risquait-il pas une attaque de canailles embusquées? Et puis, comme il n'était point pleutre et qu'une assez grande insouciance pour le danger constituait le fond de son caractère, il avança. Il ne se doutait pas, le malheureux, qu'il allait au-devant non d'un attentat à son existence, mais d'un attentat à ses plus exquises illusions, ce qui parfois est pire. On ne l'avait pas entendu venir. On continuait dans le réduit une mystérieuse besogne. Une mystérieuse, une malpropre besogne aussi. Que vit-il, en effet? Qui fouillait nerveusement, fiévreusement, dans le tiroir où il craignait d'avoir oublié quelque chose? Quelle personne opérait à la solde du tabellion, sans doute? Simone Alix. Ah, ce fut un écroulement de chimère pire que celui dont Delbon avait souffert en apercevant de son balcon le notaire en conversation animée avec la jeune fille. Pire parce que sans merci. L'ingénieur ne conservait même plus la consolation de se réfugier dans l'ombre légère d'un doute. Il constatait une fois de plus que si la vie est méchante, les individus le sont plus encore. Sentant peut-être se plaquer durement entre les épaules et regards de reproche, Simone se retourna et, chose étrange qui témoignait bien de sa perversité foncière, ne parut pas émue ni troublée. Elle n'attendit pas une question de Delbon et la prévint. « Vous avez trouvé les reçus ? Ah, quel écœurement, quel dégoût ! Pouvait-on plus cyniquement avouer que l'on était au courant de certaines sinistres machinations et que l'on avait peut-être aidé à leur réalisation. Il essaya du ton ironique. « Vous le regrettez ? Que voulez-vous ? Il fallait arriver la première. » Mais l'épreuve était au-dessus de ses forces. Il n'aurait pas réussi à soutenir le persiflage pendant longtemps. Il l'abandonna, s'écria « Vous, Simone, vous !» C'était au tour de la jeune fille de feindre. Quoique le sang qui colorait ses joues, son front, témoignant amplement de son émotion, elle plaisanta. « Oui, moi, Simone, moi-même. Vous ne vous trompez pas, je vous félicite. » Cet accent d'insouciance fut odieux à Delbon, comme une gifle. Il est certain que sur les lèvres d'un autre homme, il y aurait découvert une signification d'outrage. Comment retint-il l'injure qu'il fut sur le point de lancer ? Simplement, parce qu'une grande pitié sur lui-même l'envahissait à présent. C'était des consolations qu'il lui fallait, de la douceur, et non de la colère et de la violence. Il reprocha donc, « Vous, Simone, que 10 minutes auparavant j'associais encore si étroitement, si tendrement à ma vie, vous, que je considérais comme le capital accumulé de mes songes, des plus lointains comme des plus récents, car il me semblait, Simone, que vous étiez déjà dans mon passé, comme vous étiez dans mon présent, comme vous deviez être dans mon avenir, misère. » Elle s'était caché le visage dans ses mains. Pleurait-elle ? Il poursuivait. « Vous vous souvenez, dans l'église de Besançon, vous m'avez murmuré, vous ici. À présent, je vous répète, vous ici. Mais les circonstances ne sont plus les mêmes, et j'en souffre. J'étais allé là-bas vers vous, sans calcul, sans arrière-pensée, piétinant sur ma raison, n'écoutant que la prière irrésistible de mon cœur. Vous êtes venu ici, vous, pour des raisons misérables que je devine, et vous n'avez pas eu à piétiner sur votre cœur. Non, vous n'en avez pas. Je vous exècre et je vous plains. » Elle écarta les mains de son visage ruisselant de larmes et cria « Taisez-vous, je vous en conjure !» Il ne voyait dans ses pleurs qu'un aveu, une faiblesse. Il ne s'attendrit pas. Sa fureur aveugle reçut un coup de fouet. Ses larmes ? Non, elles n'étaient pas l'expression d'un remords. Ses larmes ? Des nerfs de femme dont on déconcerte les calculs. Ses larmes ? La belle affaire. Ses larmes ? On les essuie d'un revers de pochette brodée et on n'y pense plus. Jamais, jamais. Dans sa colère, il alla trop loin. « Ah, Simone, les mouches venimeuses sont les plus dorées !» Elle avait compris. À la contraction des traits de la jeune fille, il se rendit compte qu'il l'avait irréparablement blessée. Complexité des sentiments humains. Il déplorait déjà son emportement irréfléchi. Il aurait voulu revenir sur les paroles trop vite lancées. Il était trop tard. Les beaux yeux de Simone s'étaient séchés. Elle redressait le front avec un air hautain qu'il ne lui connaissait pas encore. Elle jeta dédaigneuse. « Après tout, libre à vous de croire ce qu'il vous plaira. » Il s'esquiva.